Jérémie chapitre 15. Et l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, je n'aurais pourtant point d'affection pour ce peuple, chasse-les de devant ma face, et qu'ils sortent. Que s'ils te disent, où sortirons-nous, tu leur répondras, ainsi a dit l'Éternel, ceux qui sont destinés à la mort, iront à la mort, et ceux qui sont destinés à l'épée, iront à l'épée, et ceux qui sont destinés à la famine, iront à la famine, et ceux qui sont destinés à la captivité, iront en captivité. J'établirai aussi sur eux quatre espèces de punitions, dit l'Éternel, l'épée pour tuer, et les chiens pour traîner, et les oiseaux des cieux, et les bêtes de la terre, pour dévorer et pour détruire. Et je les livrerai à être agités par tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchia, roi de Juda, pour les choses qu'il a faites dans Jérusalem. Car qui serait ému de compassion envers toi, Jérusalem, ou qui viendrait se condouloir avec toi, ou qui se détournerait pour s'enquérir de ta prospérité? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, et tu t'en es allé en arrière, c'est pourquoi j'étendrai ma main sur toi, et je te détruirai, je suis là de me repentir. Je l'évalerai avec un vent aux portes du pays, j'ai désolé et fait périr mon peuple, et ils ne se sont point détournés de leur voie. J'ai multiplié ses veuves plus que le sable de la mer, je leur ai amené sur la mer de leur jeunesse, un destructeur en plein midi, j'ai fait tomber subitement sur elle l'ennemi et les frayeurs. Celle qui en avait enfanté sept, est devenue languissante, elle a rendu l'esprit, son soleil lui est couché pendant qu'il était encore jour, elle a été rendue honteuse et confuse, et je livrerai son reste à l'épée devant leurs ennemis, dit l'Éternel. Malheur à moi, ô ma mère, de ce que tu m'as enfanté pour être un homme de débat, et un homme de querelle à tout le pays, je ne me suis obligé à personne, et personne ne s'est obligé à moi, et néanmoins chacun me maudit et me méprise. Alors l'Éternel dit, ceux qui seront restés de toi, ne viendront-ils pas à bien? Et ne ferai-je pas que l'ennemi, viendra au devant de toi au temps de la calamité, et au temps de la détresse? Le fer usera-t-il le fer de l'aquilon, et l'acier? Je livrerai au pillage, sans en faire le prix, tes richesses et tes trésors, et cela à cause de tous tes péchés, et même par toutes tes contrées. Et je ferai passer tes ennemis par un pays que tu ne connais point, car le feu a été allumé en ma colère, il sera allumé sur vous. Éternel, tu le connais, souviens-toi de moi, et me visite, et me venge de ceux qui me persécutent, ne m'enlève point, quand tu auras longtemps différé ta colère. Connais que j'ai souffert opprobre pour l'amour de toi. Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai aussitôt mangées, et ta parole m'a été en joie, et elle a été l'allégresse de mon cœur, car ton nom est réclamé sur moi, ô Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis au conventicule des railleurs, et je ne m'y suis point réjoui, mais je me suis tenu assis tout seul, à cause de ta main, parce que tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi ma douleur est-elle rendue continuelle, et ma plaie est-elle sans espérance? Elle a refusé d'être guérie. Me serais-tu bien comme une chose qui trompe, comme des eaux qui ne durent pas? C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, si tu te retournes, je te ramènerai, et tu te tiendras devant moi, et si tu sépares la chose précieuse de la méprisable, tu seras comme ma bouche. Qu'ils se retournent vers toi, mais toi, ne retourne pas vers eux. Et je te ferai être à l'égard de ce peuple, une muraille d'acier bien forte, ils combattront contre toi, mais ils n'auront point le dessus contre toi, car je suis avec toi pour te garantir, et pour te délivrer, dit l'Éternel. Et je te délivrerai de la main des malins, et te rachèterai de la main des terribles.